Bonjour tout le monde et bienvenue chez FrenchPod. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon média avancée et je suis aujourd'hui ici avec Amaury. Bonjour Amaury, ça va ? Bonjour Marion, bonjour à tous, ça va très bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder comme article ? Alors d'abord, c'est un article qui vient d'un hebdomadaire français qui s'appelle Le Point, qui est un magazine d'information qui fait le point sur l'actualité, sur toutes les nouvelles françaises, mais aussi internationales. Donc l'article que nous avons choisi vient de leur site internet et s'intitule « Un étudiant trompe la presse mondiale grâce à Wikipédia ». Wikipédia qui est la célèbre encyclopédie en ligne. Oui. Qui a une particularité, comme tout le monde le sait, qui est que tous les internautes peuvent ajouter les informations en ligne. Donc elle est créée, elle est modifiée, elle est remodelée par les personnes qui la consultent. Je crois qu'il y a quand même un organisme qui contrôle, qui tente de contrôler l'information. Sûrement, oui, mais je pense que les petites erreurs passent au travers des filets. Oui, et surtout que c'est mondial. Il y a tellement d'informations qui circulent au même moment, ça doit être très difficile. Et c'est ce qui a permis à cet étudiant ici de tromper Wikipédia et tromper la presse mondiale. Tout à fait. Donc tromper qui a fait croire quelque chose qui n'était pas vrai, quelque chose de faux. D'accord, si j'ai bien lu l'article, c'était dans le cadre d'une recherche qu'il faisait pour son université ? Oui. Dans le cadre, ça veut dire dans le contexte de ses recherches universitaires sur la globalisation. Il s'est inspiré d'un fait assez triste, qui est la mort d'un compositeur français très célèbre, qui est Maurice Jarre. Qui a composé quelle musique ? Alors Maurice Jarre, il a composé des musiques de films très célèbres, comme Laurence d'Arabie, Docteur Jivago, ou encore Ghost. Vraiment des films qui ont eu énormément de succès. Et il a notamment gagné 3 Oscars pour ses musiques de films, dont la musique du film Laurence d'Arabie. D'accord. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est célèbre mondialement. Il a commencé sa carrière en France, mais il a terminé sa carrière à Los Angeles, aux États-Unis. Donc il est mort récemment. Il est mort ici à fin mars 2009. Évidemment, à sa mort, de nombreux articles ont été publiés concernant sa vie, tout ce qui touchait à sa personne et à son œuvre. Oui, d'ailleurs, c'est de cette œuvre que s'est inspiré cet étudiant pour créer une fausse citation. Dans cette citation, il a quand même gardé l'esprit de Maurice Jarre en créant une citation sur la musique et la vie. Oui, évidemment, il a fait quelque chose d'assez cohérent, il n'a pas mis n'importe quoi. Donc, sur Wikipédia, pour voir si d'autres personnes, comme des blogs, allaient reprendre cette citation et s'en inspirer sans vérifier la source. Voilà. Et c'est là où il était un peu surpris, car il a retrouvé cette fausse citation justement dans les nécrologies de médias qui sont très importants et très respectables, ouais. Tels que The Guardian, The Independent. Ouais, des journaux australiens, ils disent aussi. Ouais. Son expérience a donc dépassé un peu ses attentes. Et alors, t'as dit nécrologie. En fait, nécrologie, c'est les pages d'un journal concernant les gens qui sont morts. Ouais. Et donc, comme tu l'as dit, ça a dépassé ses attentes puisque les journaux, des journaux internationaux, des journaux vraiment qui se disent sérieux, ont repris cette fausse citation. Donc, ils l'ont utilisée et ils l'ont attribuée directement au compositeur français Maurice Jarre qui était mort sans en avoir vérifié la source. Donc, ils ont dit que c'était bien lui, sans vraiment vérifier que c'est bien lui qui avait prononcé cette citation. Et donc, les médias français et internationaux n'ont pas recoupé l'information. Donc, c'est bien ce qu'il dit, c'est cela qui révèle une faille du système médiatique. Oui. Une faille, ça veut dire quelque chose qui n'est pas parfait. Donc grâce à cette faille médiatique, certains journaux se sont laissés piéger, donc c'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir. Exactement, oui. Par l'étudiant. Comme le dit l'article, tous ces journaux qui se sont laissés piéger n'ont découvert la supercherie que plus tard grâce à l'étudiant irlandais qui les a informés de cette tromperie qu'il avait faite, de cette fausse information. Ouais. Sans l'intervention de l'étudiant, tous ces journaux ne sauraient toujours pas que l'information était fausse. Voilà. Et ils n'auraient peut-être pas remarqué que c'était une information erronée. Erronée qui est donc un synonyme de fausse. Ouais. Il s'est quand même expliqué en disant que lui, il ne voulait pas apporter atteinte à la mémoire du compositeur parce que lui, il a voulu faire ça vraiment dans le cadre, dans le contexte de ses recherches, de ses études. Donc il ne voulait pas porter atteinte, ça veut dire il ne pouvait pas porter préjudice, il ne pouvait pas salir la mémoire. Exactement, ouais. Et comme tu l'as dit au départ, lui, il croyait que ça allait rester à un niveau assez restreint, ça allait rester au niveau des blogs. Il n'imaginait pas la portée de cette affaire. Ouais. Et donc, on voit ici qu'il y a un problème d'information et de désinformation. C'est un problème qui est de plus en plus récurrent, notamment depuis l'apparition d'Internet. Oui, où l'information va tellement vite. Et on demande aux médias d'être tellement réactifs, ouais, que les journalistes n'ont plus le temps de recouper l'information, de vérifier les sources. Et c'est un peu le problème également de Wikipédia. Souvent, les gens se contentent de regarder les informations, de voir si c'est plausible, si c'est bien écrit. Et généralement, se contentent de ça pour prendre l'information comme valeur sûre. Oui, comme réelle. Il suffit de voir, ouais, si c'est possible, si ça n'a pas l'air complètement stupide ou erroné, complètement faux. On dit, bah ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, par contre, il faut quand même dire ici, je trouve moi, que bon, Wikipédia, c'est bien d'avoir des détracteurs, ça, c'est bien d'avoir des gens qui contestent aussi, mais dans le fond, c'est une source d'information extraordinaire. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Je fais souvent mes recherches en regardant sur Wikipédia parce que ça couvre quand même beaucoup de sujets et ça permet d'avoir des informations qu'on ne trouve pas forcément dans les encyclopédies normales parce qu'elles sont peut-être jugées moins importantes ou moins... À mon avis, c'est plus difficile à trouver en fait dans les encyclopédies normales. Ici, c'est la facilité de la formation. Le problème, c'est qu'elle est vraie à un pourcentage élevé et qu'on ne peut pas arriver à la perfection. Mais je trouve que cet accès à la formation est quand même bénéfique dans le fond. Oui, c'est pour ça que c'est dommage qu'il y ait des tracteurs qui s'amusent à faire ça pour le plaisir. Ah non, je suis pas d'accord. Non ? Tu penses que c'est bien d'avoir des tracteurs ? Oui, il faut toujours avoir des gens qui contestent et qui trouvent qu'il y a un problème pour ensuite l'améliorer et pour voir que bon, bah, tout n'est pas parfait. Oui, mais des gens s'amusent à mettre des fausses informations juste pour plaisir de montrer qu'il y a une faille dans le système. Tout le monde le sait. C'est marqué en page d'accueil. Attention, les informations ne sont pas forcément complètement correctes. Et en fait, c'est là qu'il faut revenir au titre de l'article où ils ne disent pas que Wikipédia est une mauvaise source d'informations. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est des professionnels de l'information et qu'on s'en inspire pour pouvoir transmettre de l'information à des gens sans les avoir prévenus, comme dans Wikipédia, comme tu l'as dit, que le système n'est pas parfait, normalement, quand on lit un article d'un journal qui a été écrit par un journaliste, on peut s'attendre à ce qu'il ait fait des recherches. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qui est montré du doigt ici dans cet article, à mon avis. Ça va tellement rapidement, également aussi pour les journalistes, qu'ils n'ont plus le temps de confronter l'information qui a été prise. Voilà, et même peut-être à une certaine échelle, ils peuvent la confronter. Par exemple, en voyant ça sur Wikipédia, plus sur un blog, plus dans un journal, qui a déjà été publié à partir de l'article de Wikipédia, et se dire, c'est bon, j'ai trois informations qui se recoupent, ouais. L'article est bon. C'est suffisant. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais déjà lu un article expliquant qu'un journal sérieux avait annoncé la mort d'un personnage très célèbre. Ouais. C'était un canular et d'autres journaux ont repris l'information à partir de ce journal. L'information qui s'est retrouvée finalement divulguée dans pratiquement tous les quotidiens du pays, aux informations le soir, parce que toutes les télévisions ont des stocks de rubriques nécrologiques sur les personnalités qui ressortent quand les personnalités meurent. Ouais. Et donc le soir même, à toutes les informations, il y avait un article à la télévision sur la mort de ces personnages célèbres. Alors qu'il était toujours vivant, oui. Voilà, et c'est parti d'un journal qui avait annoncé la mort de cette personnalité. Ouais. Tu te souviens de qui ? Non, par contre, je ne me souviens plus de qui. Mais c'était quelqu'un de vraiment célèbre. Oui, parce qu'ils avaient en stock des articles... prévus pour la mort de la personne. Oui. Ah là là. Qui sont éditées plus ou moins tous les ans. Voir ce qu'il a fait dernièrement, comme ça on ajoute, et si jamais la personne meurt, on peut directement... Voilà. C'est la folie, ça. Bah oui, tu pensais que quand une personnalité est morte... Et bah que quelqu'un, le journaliste, commence à écrire rapidement... Non. Tout est prévu déjà. Ouais, ouais, tout est prévu. Donc par exemple, tu crois que notre cher président Sarkozy, il y a déjà quelque chose de prévu au cas où il aurait un accident? Ouais, j'en suis sûr, ouais. Ok. Eh bien... Et moi j'ai un autre exemple par rapport à ça, c'est que quand on parle ces temps-ci de la fameuse grippe porcine, swine flu, maintenant on entend mais tout et n'importe quoi. On entend des chiffres concernant le nombre de personnes qui sont contaminées, le nombre de personnes qui sont mortes, c'est impressionnant comme ça diffère, et j'ai l'impression que ça va trop vite, on veut tout savoir, et parfois on publie des chiffres, tout ça pour faire effet, pour faire sensation. Pour faire peur aux gens aussi peut-être. Ouais, pour faire vendre aussi tout simplement. Ouais, c'est sûr. Donc, dans le fond, toi, tu trouves que cet étudiant... Non, je parle pas de l'étudiant en lui-même. Je parle plus des personnes qui font exprès de mettre des fausses informations, qui en mettent un peu partout dans tous les articles. Ah ouais, ça tout à parce fait. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le concept de Wikipédia, et donc ils le pourrissent en quelque sorte. Ouais. Bon, c'est un étudiant, il a démenti l'information, donc non, ça ne me dérange pas forcément. Ouais. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, je me demande ce que les auditeurs pensent. J'aimerais savoir si vous utilisez en fait Wikipédia vraiment comme un instrument de recherche quotidien et que c'est une bonne chose en fait que cela ait été créé, ou comme l'ont dit certaines personnes, il ne faut pas trop l'utiliser puisqu'il y a un danger d'avoir des informations fausses. Ce serait vraiment intéressant de savoir ce que vous en pensez, également par rapport aux journaux, aux médias en général comme la télévision, voir si l'information va trop vite. Sur la facilité d'accès à l'information. Et si vous avez l'impression d'être mal informé ou mésinformé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ce n'est pas un article trop difficile, donc plongez-vous, il est vraiment intéressant pour beaucoup d'étudiants de différents niveaux. Donc vous pouvez retrouver l'article sur la page de discussion, on vous mettra le lien également. Et ensuite, on attend vos commentaires. Merci beaucoup, au revoir. Merci Marion, à bientôt. Salut.